La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, les savants cachent-ils trop leurs émotions ? C'est une banalité de dire que la sensibilité, l'émotivité et l'imaginaire sont à la source de la création artistique. Il est moins fréquent de le dire pour la science. La science est souvent présentée, donc souvent pensée, comme un monstre froid, justement capable d'exorciser tout ce qui relève du registre de la subjectivité et des affects. L'idée est que la quête de l'objectivité réclame aux âmes savantes la plus grande neutralité possible, au prix d'une sévère platitude émotionnelle. Il n'y a qu'à voir les manuels ou les publications scientifiques. On y parle de phénomènes objectivés, de lois épurées, de formalismes serrés dans le corset de la rigueur, mais on y évoque guère les états d'âme ou les pensées rêveuses de ceux qui font la science. Tout cela est bien caché ou efficacement refoulé. Mais si l'on pouvait soulever un coin de ce voile très pudique, que découvrirait-on ? C'est cette question que j'ai voulu poser aujourd'hui et pour y répondre, j'ai invité Françoise Vaquet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, directrice de recherche au CNRS et vous venez de publier un livre passionnant qui s'intitule « Une histoire émotionnelle du savoir ». Alors, ma première question concerne ce sujet qui est le vôtre. Est-ce qu'il est possible en tant qu'historienne de reconstituer une histoire des émotions ? Oui, c'est qui ne laisse pas de traces, souvent. Elle ne laisse pas de traces, a priori, puisque, comme vous l'avez rappelé, les publications, comme nous disons maintenant, les livrables, sont neutres. Mais si l'on va au-delà, si l'on lit des biographies, des autobiographies, des préfaces, des dédicaces, une dédicace est saturée d'émotions, on se rend compte que l'émotion serait presque à l'ordinaire de la science, ou plus exactement à l'ordinaire du travail scientifique, et du travail scientifique tel qu'il se fait au jour, le jour. Ça veut dire qu'on ne peut pas se débarrasser de ses émotions, quelle que soit son activité intellectuelle ou professionnelle. On s'en débarrasse au moment de l'écriture, puisque l'écriture scientifique requiert l'application de certaines normes, de certains codes entièrement émotionnels. Mais tout le parcours antérieur, entrer dans une institution, être candidat, avoir des collègues, fréquenter ses collègues, être dans une bibliothèque, dans un laboratoire, faire la recherche au jour le jour, quand ça marche, quand ça marche pas, eh bien tout cela est source d'émotion. Alors comment avez-vous travaillé pour écrire ce livre ? Vous avez parcouru les bibliothèques ou vous avez... Non, je n'ai pas parcouru des bibliothèques, j'ai plutôt parcouru des livres, des témoignages, comme je disais, des témoignages biographiques, autobiographiques, parfois des témoignages qui ne sont pas vraiment des biographies en forme. Je pense par exemple aux remerciements, ou qui sont devenus très longs, en particulier dans les ouvrages de sciences humaines ou de sciences sociales, et où souvent un chercheur évoque son parcours scientifique et remercie tout ce qui l'ont aidé. Alors là, il y a un déluge émotionnel considérable. Mais également, j'ai regardé, par exemple, du côté de la vie des laboratoires, du côté du séjour en bibliothèque, aussi du côté des relations, par exemple, avec les éditeurs, avec les directeurs de revues au moment des publications. Et là, il y a naturellement des déluges émotionnels. Alors, qu'est-ce que vous appelez une émotion, Françoise Vaquet ? C'est le désespoir, alors, c'est l'ennui. Voilà. Alors, une émotion, stricto sensu, en langue française, hein, c'est un état affectif extrêmement intense qui se traduit par des manifestations physiques qui peuvent être un tremblement, une pâleur, un rire, etc., selon, bien sûr, l'émotion. Et les émotions, en tant que telles, c'est, si vous voulez, la joie, la crainte, la colère, la surprise, etc. Mais sous influence, finalement, d'une historiographie anglaise et américaine, qui a été la première à travailler sur les émotions, mais pas sur les émotions dans le monde savant, mais sur les émotions en général, on a étendu le champ de recherche des émotions en prenant également les passions et les sentiments. Ça fait un champ de recherche assez vaste. D'ailleurs, dès la première phrase de votre livre, dans l'introduction, oui, vous citez le prix Nobel de médecine Peter Medawar, qui, oui, dit qu'un article scientifique est une fraude. Oui. Ce qu'il veut dire par là, c'est que non seulement l'article opère par son format conventionnel une mise en ordre du processus de recherche, mais aussi gomme par son écriture toute émotion humaine. Exactement. Exactement. Non seulement l'article scientifique, mais aussi un livre, même mon livre, d'une certaine façon, est linéaire. La recherche, elle marche, elle se déroule linéairement de son début à sa fin dans les publications. Et aussi, elle se déroule pratiquement sans état d'âme, d'une certaine façon. Ce que dit aussi le professeur Jacob, que je cite, où il montre bien que, au moment de l'écriture, le chercheur fait un travail de décapage, en quelque sorte, de tout ce qu'il peut y avoir d'émotionnel, presque d'irrationnel, pour conformer sa publication aux normes attendues. Alors, je le cite, l'article ne traduit plus le bruit et la fureur de la recherche quotidienne. Disparus les essais avortés, les expériences ratées, les bégaiements, les tentatives stupides. Oubliez les raisonnements faux, les hésitations, les coups d'épée dans l'eau, les fausses joies, les accès de rage contre soi ou contre les autres. Tout est devenu lisse et poli. Une belle histoire bien nette avec un début, un milieu et une fin. Oui, comme si finalement l'article n'était pas écrit par une personne humaine. Alors sans vouloir pratiquer la politique de l'arroseur arrosé, oui. Quelles sont les émotions que vous avez ressenties dans ce travail de recherche et qui ne sont pas dans le livre ? Françoise Vaquet. Il y en a beaucoup. Le découragement peut-être ? Il y a du découragement. Enfin, je suis assez optimiste, donc il n'y a pas trop de découragement, mais plutôt des enthousiasmes. Pour le chercheur, en sciences humaines, sciences sociales, il arrive des moments où on a une idée, mais naturellement, on doit appuyer cette idée sur des textes. Bon. Et tout d'un coup, quand on trouve un texte qui répond exactement à ce que l'on attendait, et par exemple le texte que vous venez de citer du professeur Jacob, eh ben là c'est merveilleux, on a un moment d'enthousiasme, on se dit bon, c'est exactement ce que je voulais, ce que j'attendais. C'est comme une preuve. C'est comme une preuve, oui. Et une preuve qui parfois paie au centuple, parce que cette preuve vous ouvre ensuite sur tout un univers. Alors vous m'avez dit que ce livre que vous avez intitulé « Une histoire émotionnelle du savoir », vous auriez, vous, voulu l'appeler « Le sable d'or ». Oui, j'aurais voulu l'appeler le sable d'or. D'abord parce que je suis historienne et que cette expression « sable d'or », je l'ai trouvée dans celui qui est finalement l'historien emblématique de notre profession, c'est-à-dire Fernand Braudel. Fernand Braudel est un homme qui a beaucoup travaillé dans les archives et qui aimait le travail d'archives. Au début de sa carrière, il a travaillé dans les archives espagnoles de Simancas. Et un jour, et c'est son épouse qui fait ce récit, un jour, on lui a apporté un document qui n'avait jamais été ouvert depuis son élaboration au XVIe siècle. Et à la lecture, quand il a ouvert ce document et quand il le lisait, il y avait du sable qui tombait. Le sable qui servait autrefois à sécher l'encre avant de tourner la page. On a oublié cela, naturellement. Et Braudel a recueilli un petit sachet de ce sable et il a conservé pratiquement toute sa vie ce sable d'or, comme il disait, qui était lié à l'émotion du travail d'archive. Voilà, j'avais pensé à ce titre, mais naturellement, c'était un titre un peu mystérieux, et je crois que l'éditeur a trouvé bien mieux que moi. Alors, la plupart des savants dont vous parlez dans ce livre sont des chercheurs en sciences sociales, beaucoup d'historiens, par exemple, oui. Très peu des sciences dures. Pas mal de biologistes, quand biologistes, même. Biologistes, oui. Pas de biologistes. Marie Curie, très présente. Oui, Marie Curie, bon, qui fait exception, peut-être. Et les textes de Marie Curie étaient des textes très intéressants et qui me permettaient de documenter aussi un volet de la recherche. Il y en a d'autres textes, mais celui-là était intéressant. En effet, les savants travaillent dans des lieux. Et cela aussi, on aurait tendance à l'oublier, et même si souvent, à la suite de leur nom, ils indiquent leur appartenance et on voit qu'ils ont travaillé, qu'ils sont membres d'un laboratoire ou qu'ils ont, dans des remerciements, qu'ils ont travaillé dans une bibliothèque. Mais en général, on n'en tient pas compte. Quand on étudie ces institutions, les laboratoires, les bibliothèques, on pense à des lieux, on pense donc à des institutions, on pense à des collections, mais on pense moins aux émotions que les gens ressentent dans ces lieux, des émotions qui peuvent être positives, qui peuvent être aussi négatives. Et là, les textes de Marie Curie sont très beaux, car ils donnent à voir toute l'émotion, tout l'attachement que Marie Curie et son mari, d'ailleurs, avaient pour leur pauvre laboratoire, un misérable hangar, si j'ose dire. Le hangar de l'école de physique et de chimie, où ils ont passé leur journée en compagnie de minerais d'uranium. Voilà, et où le soir, parfois, peut-être inquiet pour une recherche, il revenait voir Vous la citez, il nous arrivait de revenir le soir après dîner pour jeter un coup d'œil sur notre domaine. Nos précieux produits pour lesquels nous n'avions pas d'abri étaient disposés sur les tables et les planches. De tous côtés, on apercevait leurs silhouettes faiblement lumineuses et ces lueurs qui semblaient suspendues dans l'obscurité étaient toujours une cause d'émotion et de ravissement. Oui. C'est Marie Curie qui écrit. Oui. Est-ce que Pierre Curie aurait pu écrire la même chose? Autrement dit, est-ce que les femmes savantes écrivent plus leurs émotions que les savants masculins? Ah là là, c'est une vaste question, je dois dire. Et la réponse que je peux vous faire est peu assurée. Et il faut tenir compte du fait que pendant un temps assez long, même pendant tout le XXe siècle, la science est majoritairement faite par des hommes. Et que les témoignages que j'ai recueillis sont plutôt des témoignages masculins que féminin. Mais ça ne veut pas dire que les hommes n'aient pas d'émotion sur leur lieu de travail. Le professeur Jacob, pour revenir à lui, a laissé des pages mémorables sur le grenier de l'Institut Pasteur. Ce grenier est devenu un lieu familier pour lui, un lieu émotionnel. Et aussi, la difficulté qu'il a eue à s'accommoder à un autre lieu quand il a été invité, la première fois où il a été invité en Californie, et où il est dit complètement gauche, il ne trouve plus rien dans son laboratoire. Il est perdu. Oui, il est perdu, et autant il se sentait bien à l'Institut Pasteur, autant là, tout d'un coup, il se sent mal. Et je pense qu'aussi ce phénomène, se sentir bien, se sentir mal dans un lieu de travail, importe pour la réalité ensuite du travail qui est accompli. J'imagine que vous avez lu des cahiers de laboratoire aussi. Oui. Est-ce qu'un cahier de laboratoire peut ressembler parfois à un journal intime? Dans certains cas, oui. Il y a une belle étude qui avait été faite sur des cahiers de laboratoire faits par des physiciennes. Et on est dans les années près 70. Et ces femmes avaient noté tous les éléments sensibles qu'il y avait donc dans la tenue du cahier de laboratoire, ne serait-ce que le choix du cahier, le choix de l'instrument scripturaire aussi, un stylo, un bic, etc. Et aussi, parfois, des confidences, en quelque sorte, sur des états d'âme, sur le fait que ça marchait, que ça marchait pas, qu'elles étaient découragées ou pas. Il y a aussi un très bel exemple d'un cahier de laboratoire qui est celui d'Étienne Wolff. Étienne Wolff donc a tenu ses cahiers de laboratoire et un jour il est tellement excité, enthousiasmé par la trouvaille qu'il vient de faire qu'il écrit en caractères majuscules magnifiques et souligne deux fois. Donc là aussi on voit par ce biais les émotions. Et là se pose maintenant tout un problème alors que des cahiers de laboratoire deviennent des cahiers numériques pour des raisons naturellement de traçage de l'information, pour des raisons aussi qui permettent... Okay. Vous voulez dire qu'on n'a plus accès, on ne peut plus faire l'histoire? Il y aura ça, mais est-ce que le rapport est exactement le même entre un cahier de laboratoire numérique et un cahier de laboratoire personnel? C'est une question que l'on peut poser. Mais la correspondance manuscrite, par exemple, est en train de disparaître. Enfin, elle est en train de disparaître. Alors que, entre physiciens, par exemple, avant la Deuxième Guerre mondiale, on s'écrit beaucoup des lettres entre Einstein, Bessot et ses autres collègues dans lesquels ils racontent beaucoup d'histoires personnelles. Bien sûr. Mais il y a cela. Mais aussi, il y a un usage qui s'est totalement perdu, qui était l'usage de l'envoi de tirés à part, par exemple. Ces échanges de tirés à part, qui se faisait entre laboratoires ou entre personnes, et qui souvent était l'occasion d'accompagner d'un mot de dédicace, d'un mot d'amitié, etc., mais aussi parfois d'une lettre où les personnes donnaient des informations. Là, c'est une chose qui est perdue. Alors, Françoise Vaquet, vous citez une note manuscrite de Roland Barthes qui dit ceci: « Scientifique, soit vous avez des affects et vous n'en parlez pas, soit vous n'en avez pas et vous êtes un monstre. » Oui. Alors, est-ce que c'est vraiment vrai, ça? Parce que si je regarde du côté des sciences dures, au contraire, l'émotion se raconte. Je parle de l'émotion de la découverte, les moments d'eureka. Est-ce que dans les sciences sociales, il y a des moments d'eureka? Je vais vous en donner un. Il est dû à l'historien Carlo Ginzburg. Ginzburg avait commencé à travailler, c'était un sujet très à la mode, dans les années 70, sur les sorcières. Et il avait décidé de s'intéresser à la voix de ces sorcières. Alors, moins au phénomène de répression, disons, phénomène juridique, mais à ce que ces femmes pouvaient dire. Et il a parti comme ça dans l'enthousiasme. Il a commencé à faire le tour des dépôts d'archives de l'Italie pour trouver des sources, puisque l'historien a besoin de sources. Et au bout de 2 ans, ça n'avait pas donné grand chose. Et il commençait à se décourager. Même son idée de lutte des classes ne lui paraissait plus tenir. Jusqu'au jour où, à Venise, par une sorte de hasard, dans un grand fonds d'inquisition, il a demandé un carton. Il aurait pu en demander un autre, il y en avait 150. Et là, il a trouvé un document qui était un document qui représentait finalement ce qu'il attendait. L'enthousiasme a été tel qu'il a dû sortir des archives, aller marcher un petit peu pour se reprendre avant de revenir. Mais est-ce que c'est vraiment un eureka, ça? C'est un eureka. Il a trouvé quelque chose. Il a trouvé, oui, mais pour... Un objet, c'est pas le fait de comprendre un phénomène. Si, parce que le document lui permettait de comprendre le phénomène aussi, qu'il étudiait. Ah, c'était pas simplement c'était pas simplement, comme on dit, nous historiens, un beau document, mais c'était un document qui était source, en quelque sorte. Et il l'a raconté. Ah, il le raconte, oui. Il en a fait un très bel article. Parce que moi, j'ai une collection de phrases de mathématiciens qui racontent leur moment d'eureka. Par exemple, Ampère, qui écrit ceci le 27 avril 1802. « J'ai poussé un cri de joie. Il y avait 7 ans que je m'étais proposé un problème que je n'ai pu résoudre directement, mais auquel j'ai trouvé par chance une solution que je savais correcte sans pouvoir le prouver. Le sujet me revenait souvent à l'esprit et j'avais essayé 20 fois sans succès. Pendant plusieurs jours, j'avais promené l'idée avec moi continuellement. Enfin, je ne sais comment, je l'ai trouvé en même temps qu'un grand nombre de considérations curieuses et nouvelles concernant la théorie de la probabilité. » Et il décrit un état de transe. Oui, oui. Alors ça, on peut trouver peut-être pas des exemples dans les sciences humaines telles, quoique. J'en ai trouvé en biologie, par exemple, à Epstein, quand il découvre ce qui est être le virus Epstein-Barr. La question aussi, au-delà de la réponse que je pourrais vous faire, c'est que ce qui m'a intéressé dans ce livre, ce n'était pas tellement de me fixer sur ces moments exceptionnels de la découverte, qui quand même sont des moments qui n'arrivent pas tous les jours, mais au contraire, d'étudier pratiquement au jour le jour, de suivre au jour le jour des chercheurs, dans leur quotidien, pratiquement dans leur routine, on pourrait dire, et voir quelles étaient les émotions qu'il y avait dans ce que j'ai appelé des vies-travail, des vies au jour le jour. Voilà. Qui n'est pas une vie toujours marrante, la découverte étant rare. C'est pas une vie toujours marrante, c'est une vie faite d'alternance, de va-et-vient émotionnel, par exemple. Et dès le début, dès l'entrée finalement dans la carrière, dans les lieux de travail, dans le maniement des outils, dans le choix même des sujets de recherche, dans le processus de la recherche et aussi ensuite dans la publication. À ce propos, vous citez là encore Marie Curie qui a écrit un livre à la mémoire de son mari et elle rappelle ceci: la vie du grand savant dans son laboratoire n'est pas, comme beaucoup pourraient le croire, une idylle paisible. Une grande découverte ne jaillit pas du cerveau du savant tout achevé. Elle est le fruit d'un labeur préliminaire accumulé. Entre des journées de production féconde viennent s'intercaler des journées d'incertitude où rien ne semble réussir, où la matière elle-même semble hostile, et c'est alors qu'il faut résister au découragement. Oui. Et quand une expérience ne marche pas, elle se dit foudroyée par le malheur ou devant un grand deuil, et quand au contraire l'expérience marche, ça la rend légère et trépidante. Oui. Et alors je pourrais citer en parallèle un ouvrage qui a été écrit par un philologue russe, qui a été un des plus grands arabisants de son temps, Kratchkovski. Et cet homme a écrit un ouvrage entier pour montrer que la philologie, qui pourrait paraître une science austère, une science sévère, une science froide, sans émotion, est au contraire, au jour le jour, une science débordante d'émotions positives, d'enthousiasme et aussi d'émotions négatives quand, là aussi, rien ne marche, quand on n'arrive pas à lire le manuscrit, quand on ne trouve pas les manuscrits que l'on cherche. Et pour preuve quasiment matérielle de ces émotions qu'il a pu ressentir, il dit qu'il a conservé une page où, un jour, trouvant tout d'un coup dans un inventaire un manuscrit recherché depuis extrêmement longtemps, etc., il trouve ce manuscrit et l'émotion a été telle que la plume, parce qu'il écrivait alors à la plume, on est dans les années 40, que la plume a traversé la page et a comme déchiré la page. Là, on voit la traduction physique, en quelque sorte. Et est-ce que les moments de désespoir laissent plus de traces dans les archives que les moments de découverte ou les moments de bonheur qui existent aussi? Alors, ça, c'est difficile vraiment à quantifier, je dirais. On a l'impression, quand on lit les documents, mais c'est une impression personnelle et subjective, et peut-être, si j'en avais lu encore d'autres, mon impression pourrait être légèrement modifiée, que les gens parlent plus volontiers du malheur que du bonheur. C'est parce que les gens heureux n'ont pas d'histoire, on n'en parle pas d'une certaine façon. Ou bien, est-ce que ça correspond à un code de métier, une discipline de métier où il ne faut pas non plus trop se vanter de ses succès, de ses bonheurs, de ses joies? Ou est-ce que ça correspond encore à une perspective, finalement, conception judéo-chrétienne du travail souffrance qui serait là derrière? Peut-être un peu les trois choses à la fois. Je connais deux exemples. Max Planck, quand il introduit l'hypothèse de la quantification des échanges d'énergie, dit qu'il a fait cette hypothèse dans un acte de désespoir. Car, disait-il, je me suis éloigné de la nature en toute conscience. Un autre, qui est Wolfgang Pauli, a été vu dans les rues de Copenhague en juin 1923. Il avait l'air très malheureux. Et un des collègues qui le voit dans cet état lui demande qu'est-ce qui se passe. Et il dit, comment peut-on avoir l'air heureux quand on pense à l'effet Zeeman anormal? Cela, on le voit, il y a un bioinformaticien anglais qui s'appelle Burney, qui a décrit ses états d'âme et même ses états physiques, en quelque sorte, au fil de ses recherches. Et suivant que cela marche ou que cela ne marche pas, c'est un sourire, c'est un froncement du front, aussi parfois même une abstraction du monde quand ça ne marche pas. Et quand ça marche, il revient dans le monde. Il se réinsère, exactement. Mais est-ce qu'on peut dire qu'à l'origine de toute carrière scientifique, sciences humaines ou dures, peu importe, il y a une émotion liée à la lecture d'un livre, par exemple, ou d'une rencontre, et que finalement, c'est une forme d'émotion qui prédestine à ce type de carrière? Si je devais vous répondre absolument, je vous dirais, je ne le sais pas. Mais il y a quand même de nombreux exemples où des gens ont fait état soit d'une lecture qui a été pour eux fondamentale, soit une rencontre qui a été pour eux fondamentale. J'ai parlé de Fernand Braudel. Pour beaucoup d'historiens, la lecture de la Méditerranée n'a peut-être pas décidé des vocations véritablement, mais elle a été un moment extrêmement important, surtout le moment d'un changement, d'une conversion qui s'opérait. Et l'enseignement de Braudel aussi a été jugé comme un enseignement, pour ceux qui l'ont, le petit nombre qui l'a suivi au début, comme quelque chose d'absolument bouleversant, d'un choc, d'une émotion. Ça, les mots reviennent. Ce qui frappe, c'est que très souvent, quand on pose la question, qu'est-ce qui a pu causer une telle évolution, une telle émotion? Est-ce que c'est un livre ou est-ce que c'est une personne? Les gens répondent beaucoup plus volontiers une personne qu'un livre. Comme si, en plus, le contact personnel jouer en quelque sorte. Ça, c'est très, très net. Ça peut être une rencontre ou un professeur, par exemple. Ça peut être une rencontre, ça peut être un professeur, ça peut être parfois simplement un mot qui a été dit et qui a amené tout un changement. Oui. Vous savez que dans cette émission, on écoute de la musique, Françoise Vaquet. Vous avez choisi quel morceau? Alors, j'avais choisi Foule sentimentale d'Alain Souchon, parce que je l'aime bien. Nous allons l'écouter. Sentimental, on a soif idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales, foule sentimentale. Il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. Il se dégage de ces cartons d'emballage, des gens lavés hors d'usage, et tristes et sans aucun avantage. On nous prend, faut pas déconner, déconner, né, pour des cons alors qu'on est. Des foules sentimentales, avec soif d'idéal, attirées par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foules sentimentales, voir comme on nous parle, comme on nous parle. On nous Claudia Schiffer, on nous Paul Lusulitzer. Ah, le mal qu'on peut nous faire et qui ravage à la moqueur du ciel. Françoise Vaquet, vous avez déjà répondu à la question que j'allais vous poser. Pourquoi vous avez choisi cette chanson? Parce que vous l'aimez bien. Il me plaît, oui. Et bien dans Foule sentimentale, ce que vous préférez, c'est Foule ou c'est sentimentale? Sentimentale pour aujourd'hui. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors est-ce que vous comprenez les raisons pour lesquelles les savants ont tendance à refouler, en tout cas publiquement, leurs émotions? Est-ce qu'il y a en effet un lien entre la quête de la vérité, disons le souci de l'objectivité, et le fait de se mettre en retrait par rapport à ce qu'on ressent? Et avec, est-ce qu'il y a un lien inconscient ou est-ce que c'est un effet de l'éducation? Avec le mot que vous venez de prononcer, objectivité, là je crois qu'on est au cœur du problème. L'objectivité est devenue, à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, une véritable règle de métier, discipline de métier, dans les sciences dures, vôtres, si j'ose dire, mais aussi en histoire, en sociologie, ensuite, par exemple, en anthropologie. C'est-à-dire, le savant a été amené à acquérir une sorte de deuxième nature, si j'ose dire, hein, une nature où il disciplinait toute sa subjectivité. Et d'ailleurs, on voit très bien dans les textes du moitié du 19e siècle, puis par la suite, naturellement, les mots objectivité et subjectivité fonctionnent en binôme. Objectivité ayant toujours le dessus, et l'objectivité devant en quelque sorte réprimer, moins contenir, s'il ne répond pas, la subjectivité. Et cela crée, chez le savant, une sorte de moi scientifique, en quelque sorte, hein, qui est un moi neutre. Cela a été, en quelque sorte, accentué par la discipline d'écriture qui s'est imposée. Une discipline d'écriture qui, dans les sciences dures, allait refouler, en quelque sorte, tous les éléments subjectif, tout ce qui pourrait relever de l'émotionnel, au point même que la science, elle se fait d'elle-même. On a l'impression, quand on lit un article de science, dans les sciences dures, sciences de biologie, etc., que les personnes n'interviennent pas. La science se fait. Dans les sciences humaines et sociales, sans arriver jusqu'à ce cadre aussi strict, en quelque sorte, à ces principes aussi stricts, tout ce qui devait ressortir de la subjectivité devait être ôté. Et cela, j'appelle dans les cours, dans les corrections aussi de copies, on nous apprenait qu'il ne fallait pas dire « je », qu'il ne fallait pas s'indigner, qu'il ne fallait pas s'émouvoir, qu'il ne fallait pas prendre parti, grosso modo, que l'on devait mettre, comme le dit très justement l'historien Antoine Pro, on doit mettre sa personnalité entre parenthèses. Mais c'est presque un paradoxe, ça veut dire qu'il faut se désengager de sa propre passion. Et voilà, c'est cela. Il faut donner une vision neutre, en quelque sorte, du savoir. Alors, ça a un effet directement aussi sur le style des articles. Le style est assez neutre, plat. Il est totalement neutre. En plus, dans les sciences dures, sciences de la matière, sciences de la vie, et partout dans le monde, tout le monde écrit en faisant le même plan, les fameuses cinq parties. Introduction, matériel, méthode, recherche et discussion. Bon, en fait aussi dans ces articles, ce qui frappe beaucoup quelqu'un qui vient des sciences humaines et sociales, c'est que le titre ne sera pas un titre de fantaisie comme nous pouvons avoir nous, mais un titre qui grosso modo sera une sorte de résumé extrêmement condensé du propos de l'article. Même chose pour les mots matière, même chose pour l'abstract. Donc, mais vous qui êtes historienne, vous devez pouvoir me dire si c'est un phénomène récent. Alors, moi j'ai l'impression que, par exemple, si on lit les articles qu'écrivaient les physiciens des années 20, personnels, oui. Il y a un style, il y a oui. des références oui. personnelles. Oui. C'est que ça a été cela, éliminé par le fait qu'on travaille maintenant en équipe et qu'il n'y a plus de jeu. Peut-être cela. Si vous voulez, le changement, par exemple, l'instauration de ce fameux format IMRAD dans les sciences dures, s'est fait à partir des années, grosso modo, après-guerre, en quelque sorte, hein, après 45, et partout. Et alors là, les éditeurs aussi ont joué leur rôle pour normaliser encore plus les choses. Et là, naturellement, dans les sciences humaines et sociales, si vous voulez, on n'arrive pas à cette codification, à cette discipline. Mais l'écriture, sauf exception, bien sûr, reste une écriture qui est quand même une écriture très contrôlé. Une preuve que je peux vous donner de cela, par exemple, c'est en anthropologie, où des chercheurs, des anthropologues, pour des publications scientifiques, emploieront une certaine forme, un certain code stylistique, et dans des ouvrages destinés à un public plus large, par exemple, ces ouvrages de la collection qui s'appelle Terre humaine, collection très, très connue en anthropologie, sont des ouvrages de style plus... La collection fondée par Jean Mallory qui est venu parler à ce micro. Bon, très bien. Ils sont des ouvrages de style beaucoup plus littéraire. Hein. Triste tropique est probablement l'exemple emblématique, mais on pourrait aussi qui citer... Qui commence par jeu. Voilà. Et on pourrait aussi citer les lances du crépuscule de Philippe Descola, qui, de surcroît, dans un dernier chapitre de son ouvrage, explique la différence stylistique qu'il y a entre cet ouvrage-ci et sa thèse. Est-ce que vous connaissez un livre de Johann Fichte qui s'appelle « La doctrine de la science » ? Non. Mais il dit des choses qui vont dans le sens de votre propos. Il dit « Toute théorie de la connaissance digne de ce nom se doit de distinguer ce qui relève du moi et ce qui relève du non-moi. C'est-à-dire doit préciser par où passe la séparation entre le monde intérieur du sujet et le monde extérieur. Celles qui privilégient le moi mettent plutôt en avant les sensations du sujet, ses perceptions, son imagination, ses impressions, et souvent s'en contentent. Celles qui privilégient au contraire le non-moi s'appuient sur des notions plus abstraites, sans rapport direct avec les impressions sensorielles, par exemple sur des nombres, des structures logiques, des relations, des formules mathématiques, des équations, en un mot, sur les moyens d'expression des sciences exactes. Dans ce second cas, les images de l'univers qu'on construit correspondent à un monde réduit, incomplet, privé notamment de couleurs, d'odeurs et de sons. Mais ces images ont un avantage sur toutes les autres. Elles peuvent être transmises. Oui. Autrement dit, c'est l'idée que l'objectivité est plus facile à écrire que la subjectivité. Peut-être, ça. Facilement partageable. Probablement, c'est cela. Mais cela, quand on lit la lecture de ce texte, d'autres idées me sont venues en tête. En particulier, on voit là une sorte d'individu clivé, finalement, hein, entre le moi personnel et le moi scientifique. Et aussi, cela amène à penser à l'éducation, à la discipline qui a été celle pour aboutir à ce moi scientifique. Et je prendrai là un exemple qui est celui de l'éducation des sens. Par exemple, l'éducation du regard. Pour les géographes, pour les historiens d'art et d'archéologie, on leur apprend à voir. Un paysage, il faut apprendre à le voir géographiquement parlant. Et un tableau ou une œuvre d'art aussi, il faut à la voir pour un historien d'art, archéologue, à la voir aussi scientifiquement. Et là, il y a tout un travail disciplinaire d'apprentissage du regard qui est fait pour que, si vous voulez, toutes les impressions sensibles, esthétiques, disparaissent au profit de l'impression et du résultat, surtout, scientifique. Et vous-même, en tant qu'historienne, comment faites-vous pour à la fois atteindre une forme d'objectivité et en même temps vibrer à ce que vous faites? Est-ce que vous arrivez à sortir de ce clivage dont vous parlez? J'essaie. D'abord, joue, il faut le constater, le poids quand même très fort de l'éducation scientifique, l'éducation disciplinaire que l'on a reçue. Ne serait-ce que il faut avoir les preuves, il faut avoir écrire d'une certaine façon, composer d'une certaine façon. Cela joue. Mais aussi, il faut bien imaginer qu'il y a quand même tout un enthousiasme qui vous porte pour faire une recherche, parce qu'il y a des moments qui sont très très austères, très très très sévères, et des moments où les choses ne vont pas tout à fait dans le sens que vous voudriez. Donc, mais exactement comme dans toute vie. Comme dans toute vie, exactement. Et c'est ce que je voudrais insister, c'est que dans ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment étudier des vies-travail, c'est-à-dire au jour le jour et avec les moments, les va-et-vient émotionnels qui sont aussi contraints par la discipline que l'on a reçue et à laquelle il faut se conformer. Mon travail, ce n'est pas d'écrire un roman historique, c'est d'écrire un ouvrage d'histoire. Alors à propos de va-et-vient émotionnel, on va quitter les sciences humaines pour aller vers les sciences, disons, les plus dures, si tant est que les mathématiques soient une science. C'est Claire Voisin, grande mathématicienne, qui dit souvent en maths, on souffre, trouver des idées est difficile, on a des problèmes en tête et on cherche le fil pour commencer. Et elle explique avoir été souvent dans des situations de demi-désespoir ou même de trois quarts de désespoir. Je sais pas comment elle mesure ça. Mais parfois, dit-elle, heureusement, on a un sentiment de triomphe. Il y a des montagnes russes d'émotions. Oui. C'est ça que vous appelez les va-et-vient émotionnels. Oui, émotionnels. Des montagnes russes d'émotions. Et alors là, vous prenez un exemple dans les mathématiques, mais je pourrais vous donner aussi des exemples, par exemple, sur les sciences de terrain, en anthropologie, où une collègue anthropologue m'a fait vraiment la faveur de m'accorder un long entretien et m'a expliqué, elle a passé 14 mois en Nouvelle-Bretagne, dans un village, où le bateau ne venait que tous les deux mois, donc elle était dans l'isolement complet, il n'y avait pas de ressources, pas de téléphone, etc. Et en plus, elle se trouvait là, jeune chercheur, les populations étant aimables mais peu dialoguantes, et ce qu'elle constatait ne correspondait pas nécessairement à ce que la littérature disait. Donc il y avait des moments de véritable désespoir, de sentiment d'isolement, et aussi des moments de bonheur, et me dit de bonheur exceptionnel, jamais elle n'a connu de tel bonheur, quand tout d'un coup, eh bien, ça marchait. Alors ces oscillations, comme on pourrait les appeler aussi, vous en parlez à propos de Marc Bloch, qui dit le classement des papiers, c'est assommant, dit-il. Oui, oui. Et vous citez aussi une jeune chercheuse qui obtient un financement pour un projet auquel elle tient beaucoup et qui ressent la joie profonde d'un sourire intérieur s'élargissant. Oui, c'est ça. Et si vous voulez, ces situations-là que vous pointez, donc le classement des papiers, ou maintenant ce serait le classement des fichiers sur l'ordinateur, ou le classement de livres, etc. C'est vrai que c'est des choses assommantes, mais qui doivent être faites, parce que sinon on s'y retrouve pas. Donc c'est une situation qui est quand même assez commune pour nous. Et obtenir un financement, c'est aussi à l'aboutissement de tout un long, de tout un itinéraire. Un itinéraire qui a souvent été, incertain. Quand on commence à faire une demande, une application, on ne sait pas ce qui va arriver. On l'obtient, là on est heureux. Vous parlez à plusieurs reprises dans ce livre, Françoise Vaquet, de chercheurs, notamment d'historiens, qui pendant la Deuxième Guerre mondiale ont été séparés de leurs archives, ont dû quitter leur lieu de travail, ce qui les a mis dans des situations de grand désespoir. Marc Bloch, par exemple. Marc Bloch qui a perdu sa bibliothèque. Alors là, c'est un exemple extrêmement frappant et même émouvant quand on le lit. Parce que Marc Bloch, donc, a dû quitter, étant juif, a dû quitter Paris. Et son appartement, ensuite, a été pillé. Sa bibliothèque a disparu. Pendant un certain temps, il a eu l'illusion, peut-être, qu'il allait pouvoir sauvegarder sa bibliothèque. Et il a fait de multiples démarches en ce sens, aidé par un certain nombre de ses collègues. Et finalement, bon, la catastrophe est arrivée. Et on a souvent pointé, là, une lettre qu'il écrit, où il dit que finalement, bon ben oui, c'est sûr, c'est une catastrophe, mais par rapport à la perte de vie humaine, c'est dans cette grande tragédie, c'est finalement peu de choses. Il relativise. Une autre lettre où il relativise un peu moins. Et ensuite, il y a deux lettres qu'il écrit à Fèvre, avec lequel il était en contact étroit, et où il dit à Fèvre, maintenant ne me parlez plus de ça. Et on voit que là, vraiment, la chose était beaucoup plus douloureuse que des formes de relativisation, en quelque sorte. Parce que c'est une douleur qui est plus grande que celle que quelqu'un qui n'est pas savant éprouverait s'il découvrait que son appartement est pillé. Exactement, mais même, vous savez, sans aller jusqu'à ces affaires horribles, finalement, soi-même, quand nous perdons un papier, quand nous perdons une note, cette note, c'est qu'un petit bout de papier, mais tout d'un coup, ça prend la... Cette note est un document extrêmement précieux. Et cette perte de note, et cela aussi, il faut voir ensuite sur l'impact, sur le travail. Pendant un moment, ça va vous déconcentrer. On essaiera de la retrouver, de retrouver ce qu'on avait mis dedans, etc. Alors vous imaginez quand c'était la perte de toute une bibliothèque, la perte de notes de travail. C'est des drames affreux. Vous parlez aussi des liens d'amitié, en l'occurrence entre Marc Bloch et Lucien Fèvre et quelques autres. Oui. L'amitié, ça suppose des émotions. L'amitié suppose... Et quel est le rôle des amitiés dans la recherche scientifique? Alors, le rôle de l'amitié dans la recherche, d'abord, ça peut permettre des collaborations, ce qui est déjà, à l'heure actuelle, une chose extrêmement précieuse. Mais aussi, ça peut permettre d'aller plus vite. Les chercheurs... Tous, nous sommes pressés par le temps. Nous n'avons pas le temps. Comme dit Balibar, on court tout le temps. On court au propre, on court au figuré. Bon. Or, quand vous travaillez avec quelqu'un que vous connaissez bien, vous êtes ami, vous n'avez pas besoin parfois d'expliquer. Ça va beaucoup plus vite. Je crois que ça, c'est aussi un argument extrêmement important. Outre ensuite... L'argument d'efficacité. D'efficacité. L'amitié, c'est quand même autre chose que... Oui, en tout cas, sa finalité peut être complètement différente. Oui, mais aussi, il y a à la fois ça, il y a un soutien moral. Il y a un soutien moral. Et une aussi... confiance. La confiance, un appui, en quelque sorte, un appui dans les mauvais moments, comme dans les bons. Je crois que c'est un petit peu tout cela, oui. Françoise Vaquet, il y a des moments quand même dans la vie d'un chercheur où on voit bien qu'ils sont émus, ils éprouvent des émotions. Par exemple, quand ils passent une audition pour une admission dans tel ou tel organisme, quand ils donnent des leçons inaugurales, quand ils participent à des pots de retraite, notamment quand c'est le leur. Et donc il y a des ponctuations comme ça dans la vie du chercheur qui sont des occasions d'émotion. Tout à fait. Et cela, à mon avis, j'ai souhaité le mettre en relief. Parce que lorsque l'on lit des curriculum vitae, lorsque l'on lit parfois des biographies sommaires, on a l'impression que les postes, en quelque sorte, tombent du ciel et arrivent comme cela. Or, quand on regarde certains documents, on voit toute la tension qu'il y a eu pour obtenir un poste. Toutes les angoisses, les satisfactions, là aussi des va-et-vient émotionnels tout au long du processus. Et je pense à un document très beau que j'ai lu, qui est le journal de Maurice Holbwax. Holbwax a été candidat au Collège de France, et durant sa campagne, comme il dit, il a tenu un journal de ses visites. Et chaque visite qu'il fait donne lieu à une sorte de compte-rendu, la personne qu'il a rencontrée, comment ça s'est passé, et surtout, il indique à la fin de chaque visite quels étaient ses états d'âme. Quand il sortait plus léger, quand ça avait bien marché, ou au contraire, quand il était dans le doute, quand il faisait ses comptes de voix, ça portait à l'optimisme, parfois au pessimisme, quand il entendait parler de concurrents, etc. Et jusqu'au résultat final qui a été heureux. Les mêmes choses se voient lors de processus de thèse, par exemple, soutenance de thèse, ou dans ce que vous indiquiez, les leçons inaugurales, les départs à la retraite, et aussi cette cérémonie qui peut-être a plus d'incidence, plus importante dans les sciences humaines et sociales que dans les sciences dures, qui sont les remises de mélange. Je crois qu'en sciences... Les remises de mélange ? Oui, en sciences, on fait plutôt des jubilés scientifiques. Voilà. La remise de mélange. Les mélanges sont un volume que des amis, des collègues offrent à une personne dans une circonstance clé. En général, c'est le départ à la retraite. Donc ces mélanges rassemblent dans un livre collectif, ils rassemblent des écrits faits donc par des amis, des collègues, des élèves de la personne honorée. Ce qui est très intéressant, c'est que de voir là, ces personnes, elles ne se connaissent pas nécessairement, elles connaissent toutes le destinataire. Et les mélanges sont remis de façon solennelle dans une cérémonie à la personne honorée. Et là, des autorités ou bien des élèves, et souvent c'est le préféré ou l'élève qui a le mieux réussi, font des discours en hommage à cette personne. En général, évoque sa vie. Et ensuite, le dédicataire redit grosso modo la même chose. Il redit sa vie, un autre ton, et ce sont des circonstances extrêmement, extrêmement émotionnelles. Il m'est arrivé de voir participer, de voir des larmes qui peut-être ne coulaient pas, mais qui n'étaient pas loin de couler. Mais est-ce que ça différencie, là encore c'est ma question un peu récurrente, est-ce que ça différencie les chercheurs des autres ? D'être ému lorsque des amis... Non, probablement pas. Mais ce que vous voulez dire, c'est qu'ils sont justement comme les autres. Probablement, exactement. Je pense que, par exemple, en ce qui concerne un phénomène comme la souffrance au travail, et là, on voit que les chercheurs souffrent à certains moments, du moins, pas toujours, mais ils souffrent. Il y a même des burn-out, voilà. Bon, mais les chercheurs souffrent. Et cela aussi, on le trouve, par exemple, dans le monde de l'entreprise. Dans le monde de l'entreprise, cela a été étudié. Il y a une littérature immense sur la souffrance au travail dans l'entreprise. Par contre, dans le monde des chercheurs, on n'en parle pas. Pourquoi ? Parce que c'est un travail de passion, donc s'il y a passion, il n'y a pas souffrance. Passion, pourtant, c'est la même chose. Il y a la passion, mais c'est surtout parce que c'est un monde de la raison. La raison qui est... Le monde s'est placé sous la bannière de la raison. Et donc, cela, on n'en parle pas. Oui, vous parlez de la raison, Françoise Vaquet, mais... Dans les sciences humaines, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'engagement, beaucoup plus d'engagement que dans les sciences dures qui ont le critère de l'expérience qui permet justement d'arbitrer certains débats. Et on a l'impression que dans les sciences humaines, où les thèses sont un peu plus fragiles, parce qu'il n'y a pas l'équivalent d'une théorie qu'on pourrait éprouver en toutes circonstances, c'est quand même la raison qu'on met en avant, et non pas la subjectivité qui pourtant est là de façon nécessaire. Oui, mais enfin, nous n'avons pas des preuves expérimentales comme dans les autres sciences, mais nous devons nous appuyer sur des documents qui sont nos preuves. Et c'est là aussi une discipline de métier. Il n'y a pas d'histoire sans source, sinon on fait du roman historique. Est-ce qu'il y a beaucoup de controverses chez les historiens qui seraient justement des sources d'émotions ? Oui, il y en a eu, oui, c'est certain. Alors là aussi, il y a tout cet aspect, ce serait un immense, champ, le champ des polémiques. Et dans les polémiques, naturellement, les controverses entrent des émotions. Alors pour Freud, qui savait ce qu'était les polémiques et qui a participé à de nombreuses polémiques, pour lui, au point de départ de la polémique, il y avait souvent de la jalousie, ou de l'aversion par rapport à une autre personne, et l'intellectuel suivait. Donc, c'est peut-être un petit peu exagéré. C'est que la controverse intellectuelle est le prolongement d'un affect. Pour lui, oui. D'un problème d'affect. Pour lui, oui. Bon, c'est peut-être un petit peu exagéré, ce n'est pas valide dans tous les cas, mais il est certain que souvent des polémiques, parties alors de choses scientifiques, hein, de motifs scientifiques, ont ensuite évolué, se sont ensuite nourries d'éléments personnels et d'éléments de jalousie, aversion, etc. Merci Françoise Vaquet d'être venue nous montrer, exemple à l'appui, que les chercheurs ne sont pas des machines à penser ou des personnes idées, mais des humains, disons, des êtres de chair et de sang, opérant dans un univers saturé d'affects. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Avec Françoise Vaquet, nous avons évoqué plusieurs figures de grands savants, notamment Marie Curie. Et c'est pour moi un plaisir de recevoir de façon exceptionnelle deux personnes qui ont collaboré étroitement à la publication d'un hors-série Le Monde, la vie, consacré à Marie Curie et à la radioactivité. J'ai donc le plaisir d'accueillir Isabelle Franck, vous êtes la rédactrice en chef de cette revue. Pourquoi Marie Curie aujourd'hui ? Bonjour. Marie Curie, on a l'impression qu'on a tout dit sur elle et c'est une des personnalités scientifiques les mieux connues du grand public. Et en fait, on n'a jamais assez dit et peut-être jamais assez bien dit. C'est sûr qu'elle a été très à l'honneur en 2017 au moment des 150e anniversaire de sa mort. Donc on peut dire qu'on arrive après la bataille. Et en même temps, une femme scientifique deux fois nobélisée, on n'en a jamais assez dit sur elle. Et nous avons eu l'idée de reprendre le texte d'une scientifique espagnole qui était paru il y a quelques années dans Le Monde et de faire une réédition pour le grand public, agrémenté de beaucoup d'illustrations. Et l'originalité de ce projet, c'est que c'est à la fois une biographie, l'histoire de Marie Curie, sa rencontre avec Pierre Curie, cette jeune Polonaise qui arrive à Paris, toutes ces histoires d'amour, de cœur, Paul Langevin, enfin une histoire assez passionnante, une histoire de femme passionnée par la science et qui avait plein d'autres passions et nous en parlerons. Et qui ne cachait pas ses émotions, pour le coup. Et qui ne cachait pas ses émotions. Tout à fait, et même il y a des lettres extrêmement poignantes après la mort de Pierre, enfin bref, une femme, beaucoup de choses à raconter sur la vie de cette femme, et aussi une merveilleuse scientifique. Et l'originalité de ce projet, c'est à la fois d'avoir le récit de sa vie d'un côté, et de l'autre côté, beaucoup de schémas pour expliquer au grand public, à travers des schémas, vraiment tout ce que ça recouvre sur le plan scientifique. Donc nous avons voulu republier ça pour un public motivé, bien sûr, mais grand public, avec beaucoup d'illustrations, avec une très belle mise en page, pour que ce soit accessible. On fait aussi un petit clin d'œil au musée Curie, que peut-être on connaît pas assez bien, qui propose des visites pour les familles, ce qu'on ne sait pas toujours, et ça n'est pas réservé véritablement qu'aux scientifiques. Alors vous l'avez dit vous-même, on connaît beaucoup de choses sur Marie Curie, on raconte beaucoup de choses, certaines sont fausses. Parmi celles qui sont fausses, lesquelles sont les plus manifestement fausses ? Alors, pour tout vous dire, nous sommes journalistes et nous ne pouvions pas débusquer des erreurs qui se répètent au fil des livres, au fil des films, au fil des discours. Nous étions absolument incapables de vérifier ça finalement, puisque ça se répète toujours. Donc nous avons décidé d'aller voir les gens du musée Curie et qu'ils relisent avec nous ce texte pour que cette fois-ci on puisse, puisque eux ont les archives, puisque eux puissent retourner à la source, on puisse corriger ces erreurs. Et donc, nous sommes allés voir Nathalie Pijarmico, qui est une historienne du musée Curie, et Camilla Maiani, qui est physicienne. Et qui est avec nous. Bonjour, vous êtes physicienne au CNRS. Bonjour. Physicienne au musée Curie. Alors justement, si vous pouvez répondre à la question que je vous posais tout à l'heure, est-ce qu'il y a des grosses erreurs qui continuent de circuler à propos de Marie Curie, aussi bien sur son activité de scientifique que sur sa vie personnelle ? Alors oui, il y en a nombreuses, il y a des petites erreurs et puis il y a des grandes idées qui ont été communiquées, alors parfois par les historiens, les historiennes qui ont travaillé sur Marie Curie, parfois c'est une traduction pour le grand public qui simplifie un peu sa vie, son œuvre. Et alors il y en a un certain nombre. J'ai ma collègue Nathalie Pijard qui n'est pas ici qui travaille dessus en ce moment, mais quelques grandes idées qui sont voilà, un peu à corriger, c'est par exemple le fait que Marie Curie était seule contre tous, une femme qui, par son génie, a défait toutes les barrières d'une science très masculine. Alors, il faut savoir que sûrement c'était quelqu'un de très grande valeur scientifique et d'une très grande détermination, mais elle a été accompagnée dans son parcours par des scientifiques, alors surtout des hommes, puisque c'était une époque où les sciences étaient effectivement très masculines, qui l'ont soutenue de manière très forte. Alors nous, on a beaucoup insisté pour réintégrer dans le hors-série la présence fondamentale de Pierre Curie, qui jusqu'à sa mort en 1906 va être son principal collaborateur et va avoir une part assez fondamentale dans la découverte du radium et du polonium, donc la découverte la plus célèbre des Curie. Mais il n'y a pas que Pierre Curie, hein. Il y avait toute une communauté de scientifiques autour qui a pu soutenir Marie Curie après la mort de son compagnon et qui a contribué au fait qu'elle a pu rester une grande dame des sciences tout en étant toute seule, hein, ce qui n'était pas... Mais il n'y a pas eu que la mort de Pierre Curie, il y a eu aussi des attaques personnelles très violentes, notamment en 1911 quand on découvre sa liaison avec un homme marié, enfin séparé de sa femme et marié, tout Paul Langevin. Quand elle revient du congrès Solvay à Bruxelles en 1911, elle est attaquée très violemment par la presse. On dit que c'est l'étrangère, la polonaise, la veuve adultère. Exactement. Et celui qui va la défendre, c'est Albert Einstein, qui lui a écrit « Si cette racaille s'occupe encore de vous, c'est simplement de lire ses sottises. Laissez-les aux vipères pour qui elles ont été fabriquées. » Oui, alors elle avait beaucoup de défenseurs et de défenseuses, je ne sais pas si ce mot existe, mais en tout cas, on y voit aussi une partie de l'histoire de la France qu'on a peut-être essayé un peu d'oublier, parce que c'est un peu un retour d'une affaire Dreyfus, hein, dans les équipes, disons, les soutiens et les détracteurs de Marie Curie à cette époque-là, on reconnaît les mêmes qui étaient les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. Oui, ça a clivé l'opinion. Il y avait des journaux pour et des journaux contre. On y reconnaît vraiment, voilà, parce qu'il y a cette idée de l'étrangère, la femme étrangère qui vient voler les maris français aux femmes françaises. On a aussi essayé d'insinuer l'idée qu'elle était juive, puisqu'elle, de deuxième prénom, elle s'appelait Salomé, ce qui n'est pas vrai. Enfin, en principe, elle était catholique. Et qui, dans la presse de l'époque, apparaissait comme une injure. Tout à fait. Alors, je ne le dis pas parce que je considère que c'était une injure, mais c'est assez intéressant de faire le parallèle entre les deux histoires. Et terrible. Et alors, si on revient à la méconnaissance de l'histoire de Marie Curie, c'est vrai que dernièrement, on n'est pas les premiers, mais il y a eu une intention aussi de réincarner Marie Curie, parce que c'est vrai qu'on en a fait un peu une héroïne des sciences, totalement désincarnée, un mythe, et que on lui a enlevé tout son côté humain, féminin, donc l'histoire d'amour avec Langevin, on l'a un peu mise de côté, son histoire d'amour avec Pierre, ses enfants. Merci à vous Isabelle Franck et Camilla Mayani. Donc on trouve cette revue en ce moment en kiosque. Alors en kiosque ou sur lavie.fr où on peut la commander directement. Donc Marie Curie, un hors-série, Le Monde, la vie à 9,90€. Merci à vous. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Philippe Mercher et à la réalisation Thomas Jost. Tout de suite, c'était dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.